on a toute une idée de ce que c'est que la nature. On habite, le pape, il appelle ça la maison commune, tu sais, la nature, c'est la maison commune. Oui, oui, oui. Et puis, bon, est-ce que notre référence dans la religion, c'est la nature, ou c'est une surnature qui est au-dessus de la nature? Ça serait le supranaturalisme. Oui. Puis alors ça, l'immanence, c'est quoi ça, vous avez prononcé? Je pense, le naturalisme. L'immanence, c'est dans le naturalisme. Autrement dit, Dieu aurait-il une place à l'intérieur de la nature? Y aurait-il une place assez subtile, peut-être, d'être installé au cœur de la nature ou au cœur des êtres dans la nature? Ça veut dire? Oui, en fait... Ben, déjà, avec le supranaturalisme, Paul Tillich nous invite à dépasser le supranaturalisme qui suppose un dualisme, une juxtaposition d'un monde naturel et d'un monde surnaturel. Tillich refuse cette vision des choses. Oui. En fait, Tillich, comme théologien, refuse de concevoir Dieu comme un être suprême, un être supérieur qui serait au-dessus de nous dans un monde surnaturel et qui gouvernerait le monde. Ça, c'est une vision supranaturaliste que Tillich, comme théologien lui-même, dénonce pour en montrer les insuffisances, les dangers, tout ça. Mais ça va barder, là, par exemple, parce que je trouve que c'est gros à prendre, ça. Ça va barder, mais on va continuer. Et cela étant dit, on a tendance, à ce moment-là, à glisser vers le naturalisme, qui refuse le dualisme des deux mondes. Mm-hmm. Mais le danger, c'est que le naturalisme s'enferme en lui-même dans une autonomie autosuffisante. De penser que Dieu serait la nature, Dieu serait tout simplement cet être qu'on verrait à l'intérieur de la nature, Deus sive natura, hein? Dieu, c'est-à-dire la nature. Mais Dieu, c'est pas... Tillich, je veux pas s'enfermer dans un panthéisme. Dieu n'est pas la totalité de la nature. Dieu n'est pas la somme de la nature. Dieu serait dans la nature son potentiel créateur. Le fondement naturel, le potentiel créateur à l'intérieur même de la nature. D'où son idée de l'auto-transcendance. Dieu n'est pas réductible à des objets, tu sais. Exactement. Exactement. Donc, Dieu n'est pas un être suprême, un être qui existerait à côté des autres êtres. Hein, parce que Tillich, des fois dans une formule un peu provocatrice, Tillich pourrait dire « Dieu n'existe pas ». Parce que Dieu n'est pas un être, un existant à côté d'autres êtres, d'autres existants. Dieu, c'est le fondement de l'être. En fait, dans les mots de Tillich, Dieu sera représenté comme la source de l'être ou le fondement de l'être, et non pas la totalité des êtres. Mm-hmm. Le fondement, la source, il va l'appeler l'inconditionné. L'inconditionné. Qu'il ne dépend d'aucune condition, mm-hmm. d'aucune substance, en dehors du temps et de l'espace. Dieu serait l'inconditionné. L'inconditionné. C'est quand même intéressant, sa formule. Donc, Tillich refuse de concevoir un Dieu qui existerait comme existant, mais Dieu est l'inconditionné dans la mesure où il est le fondement de l'être. Mais ça me fait potentiel penser... créateur, ouais. Fondement de l'être. Mais ça me fait penser à une parole, je sais, d'un auteur qui n'a pas trop bien paru là, dans le passé. Là. Baudelaire qui avait dit « Dieu est le seul être qui, pour être, n'a pas besoin d'exister. » Ça ressemble un peu à ça. On est toujours, hein, quand même, avec le verbe « être » est important, là, hein, le verbe « être », source de l'être, fondement de l'être, l'être ultime, peut-être, mais l'idée de source et de fondement, c'est qu'il y a une antériorité à l'être. Mm-hmm. Hein? Le naturalisme, lui, va identifier Dieu au principe créateur de la nature elle-même. Ce serait la philosophie de l'immanence. Dieu ou la nature, Deus sive natura, comme dirait Spinoza. Dieu comme nature créatrice. En fait, chez Tillich, Dieu est davantage fondement de la nature créatrice que la nature créée, donnée. En français, on traduit ça nature naturante, nature naturée. Exactement. Dieu serait davantage natura naturans que natura naturata, oui. Hein? Nature créée. Donc, Dieu n'est pas la totalité des êtres créés, de l'existence, etc., mais plutôt à la source ou au fondement, l'inconditionné. Et tu sais, je vais plus loin, le naturaliste ne rend pas compte de la distance infinie qu'il y a entre l'ensemble des choses finies et leur fondement infini. Comme s'il y a une distance entre la totalité des choses finies puis leur fondement, lui, qui est infini. C'est comme la distance entre l'essence et l'existence. Il y a une distance infinie que Tillich veut dépasser. Une distance, une séparation entre l'infini et le fini. Entre la finitude et ce qui est séparé. Or, telle est bien la situation de tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde. Tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde est soumis à la finitude. Tout être existant est séparé, aliéné par rapport à l'infini, à sa source, à son fondement infini, à son potentiel créateur infini. Donc, aliéné par rapport à l'essence idéale qui est il la sienne. Il manque quelque chose à l'existant, il manque quelque chose. D'où son questionnement ou son angoisse, peut-être. L'être fini se trouve aligné par rapport à l'infini auquel il participe. Oui. Auquel il participe. D'où l'angoisse, l'intuition, le fait de ressentir que je ne suis pas totalement ce que je devrais être. Ou je suis un étranger dans ce monde. Je suis un étranger dans ce monde. D'où, tu sais, je vais parler comme les autres philosophes allemands de l'aliénation. Mm-hmm. L'aliénation existentielle. Par rapport à l'être essentiel, il va parler de l'existence comme aliénation existentielle. Je suis un étranger dans ce monde. Je ne suis pas tout à fait... Mon existence ne correspond pas totalement à l'essence. À l'idéal que je pourrais avoir. Exactement. Que j'envisage. À mon potentiel créateur idéal. Ouais. À mon essence idéale. Mm-hmm. Etc. Donc, c'est très intéressant. La transcendance divine, qui est fondement créateur, distant de tout créé, elle s'identifie à la liberté qu'a le créé de se détourner de l'essence. Tillich identifie l'absolu transcendant à l'inconditionné. C'est ce qu'on disait. Donc, l'absolu transcendant que Tillich appelle l'inconditionné, ou qu'on appelle Dieu aujourd'hui. Donc, je disais que une phrase qui pourrait étonner, c'est que Dieu n'existe pas. Ce qu'on veut dire par là, c'est que Dieu n'est pas un existant parmi les autres êtres créés. Ça ne veut pas dire que chez Tillich, l'athéisme soit facilement envisageable, même théoriquement. Je ne sais pas, avez-vous des choses à dire sur l'athéisme, vous? Monsieur Régent Boivin, en réponse à votre question sur l'athéisme, je peux dire que dans le contexte du royaume réalisé en chacun, Il n'y a plus d'athéisme possible. C'est le règne de l'amour. On y est et on le sait. Par contre, dans le contexte du naturalisme aliéné, on remarque qu'il y a encore des êtres rebelles qui jouent au tentateur et qui continuent d'inciter à la révolte contre Dieu et qui sont prêts à commettre toutes sortes de sévices, voire même la mort, pour éliminer ceux qui ne partagent pas leur foi athée. Cette dernière affirmation est la chose que plusieurs ne veulent pas considérer, malgré les états martyrs du communisme athée et autres aberrations. Chez Tillich, l'athéisme semble impossible, parce que pour Tillich, le chrétien est, on va dire, émerveillé, étonné, mais surtout saisi par sa préoccupation ultime qui est Dieu. Dieu est amour, par l'inconditionné, par le fondement créateur de son existence. Le chrétien est saisi par cette préoccupation qui est ultime dans sa vie. Hein? C'est sa préoccupation ultime. Et pour Tillich, au-delà de la préoccupation ultime du chrétien, tout être humain a une préoccupation ultime. Chez Tillich, la préoccupation ultime, elle est même ontologique. Et la préoccupation ultime chez Tillich, c'est la foi. D'où son livre « La dynamique de la foi ». Il y a foi quand nous sommes ultimement concernés, disait Paul Tillich. Et c'est un peu le sens du mot saisi qui intervient. Oui, le saisissement. Parce que dans le fond, la foi, on dit que ça vient, c'est quelque chose qui nous est donné. On reçoit par saisissement, c'est pas quelque chose qu'on va chercher par une forme de. D'un objet qu'on va saisir, mais c'est on est plutôt. Saisi. Saisi, oui, saisi. Puis Tillich va insister sur le fait que. La préoccupation ultime va saisir l'être humain dans toutes ses dimensions, dans tout son être. Ça va être un saisissement global. Dans l'unité multidimensionnelle de son être, la préoccupation ultime va secouer, va saisir l'être humain pour le reste de ses jours. Paul Tillich, à la base de son concept de la préoccupation ultime, qui est appelé en anglais « ultimate concern », il y a cette phrase de la Bible, du Deutéronome, « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Il y a là, chez Tillich, l'expression ultime de la préoccupation ultime de l'être humain, qui est ontologique. Donc, pour Tillich, tout être humain est habité par une préoccupation ultime. On n'a pas tous la même préoccupation ultime, mais tous les êtres humains sont habités par une préoccupation ultime. Et il va dire, « Il nous semble presque inconcevable de penser qu'un être humain ne puisse pas avoir de préoccupation ultime. » parce qu'il cesserait d'être humain. D'où chez Tillich l'impossibilité de penser ou de fonder l'athéisme. C'est presque impossible de penser qu'un être humain n'aurait pas de préoccupation ultime. Et chez Tillich, l'athéisme serait l'absence ou l'indifférence à l'égard de la question ultime. Ah ouais. Ce qui est impossible pour Tillich, en principe. Si on est cohérent. Il va dire dans ses mots... La seule forme d'athéisme que l'on pourrait envisager, c'est l'indifférence à l'égard de la préoccupation ultime, de ce qui nous concerne ultimement dans notre existence. Et il va dire que c'est presque impossible qu'un être humain soit saisi par une préoccupation de Dieu. Et indifférence, c'est un mot très lourd dans la pensée de Jésus. Hein? Oui. Avec la préoccupation ultime qui saisit l'être humain dans tout son être, on est loin de l'indifférence, là. L'indifférence. Mais je dirais plus... Je parlerais peut-être plus de la posture du cynique. Oui, mais quand tu dis saisi dans tout son être, là, c'est une formule mystique, ça. C'est mystique comme c'est formule, très mystique, ça. Oui. D'ailleurs, Tillich, dans sa typologie de la foi, distingue la foi sacramentelle, la foi mystique et la foi humaniste, séculière. Parce que même dans le monde séculier, sécularisé, existe toujours cette foi, cette préoccupation ultime, qui est tout simplement pas la même. Mm-hmm. Pour le chrétien, ça va de soi un peu que sa préoccupation ultime, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais même, Tillich va parler de la foi humaniste. La foi humaniste séculière a aussi une préoccupation ultime. Et il va dire qu'une société, une civilisation sans foi, même humaniste, c'est impossible. Il présente ça dans son ouvrage « La dynamique de la foi ». Donc, il y a une typologie de la foi. Et il y a des fois séculières, il y a des fois humanistes, il y a des fois religieuses, sacramentelles, et il y a la foi mystique. Une typologie de la foi. On pourrait inviter les lecteurs à lire son ouvrage « La dynamique de la foi ». Mais Tillich aussi propose, pour bien montrer la dimension existentielle de l'être humain aussi, on parlait d'une typologie de la foi, mais dans son ouvrage « Le courage d'être », il parle d'une typologie de l'angoisse. Donc, il y a cette typologie, c'est Tillich, qui est très pertinente pour aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, l'être humain, dans son aliénation, semble affligé davantage par l'angoisse du vide et de l'absurde. C'est l'angoisse des temps modernes et de notre époque contemporaine. Mais le vide dont vous parlez, c'est pas le vide bouddhiste. C'est... Non, c'est le vide... Le non-sens d'existence. Le vide au sens... Le vide du cynique, le vide de... L'absurde. Au sens où en parlait encore Camus, dernièrement. Un peu, oui. Camus a bien traduit ça dans son œuvre... Le vide et l'absurde, dans son volet sur l'absurde. Là. L'étranger, il y a pas ça. Le mythe de Sisyphe. La peste l'étranger. Aussi, hein, c'est un autre livre qui est assez d'actualité. Hein. Oui, la peste. Oui. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur Tillich au niveau des types de foi, les types d'angoisse. Si on continue la lecture de l'ouvrage de Jean Richard s'intéresse aussi. Au-delà de la corrélation entre l'être et Dieu, Dieu comme fondement de l'être, dans sa méthode, la corrélation, Tillich présente cette corrélation entre l'existence et le Christ. Le Christ comme sauveur de notre aliénation existentielle. Le Christ sauveur de notre aliénation. Le Christ, Tillich le présente comme l'être nouveau. L'être nouveau, c'est l'être, on parlait tout à l'heure de séparation, de division entre la nature idéale, l'essence, et l'existence, il y a une séparation, une rupture qui crée l'angoisse. L'être nouveau, c'est l'être réconcilié, qui aurait rapproché, atténué cette division et cette séparation. Et l'être nouveau, le Christ dans les évangiles, semble être cet être réconcilié, qui a réconcilié la nature humaine et divine. Il l'a réconcilié. Et Tillich nous parle de l'être nouveau. C'est ce qui représenterait pour nous comme... l'être dans l'existence, le rapprochement entre l'essence et l'existence. Exactement. Les deux pôles là, de l'être humain. Là, oui. Qui peut faire que, dans leur rapprochement, l'être humain peut retrouver quelque chose du royaume qui prend la forme de la joie, de la paix, de la solidarité. Le royaume déjà là. Oui, c'est ça. Oui. On parle des fois du royaume... Pas encore, mais déjà là aussi. Il y a cette tension là, entre le déjà là. Oui, déjà là, dans cette existence même. Oui, c'est ça. Oui. Mais percevoir la transcendance au cœur de l'immanence, peut-être. Mm-hmm. Donc, Tillich, qui est un penseur un peu influencé par l'existentialisme de son temps, les années 40, 50, 60, s'intéresse donc à cette dimension existentielle comme aliénation, en s'inspirant des philosophes allemands qui l'ont précédé. Merci, Régent Boivin, de mettre à la portée du grand public des développements importants sur la pensée religieuse de Paul Tillich et commenté par Jean Richard, philosophe émérite de l'Université Laval. Je suis content que tu acceptes de poursuivre sur ce thème la semaine prochaine. Les auditeurs demeurent à l'écoute de Radio-VM. Ceux qui peuvent faire un don pour venir en aide aux antennes de Victoriaville et de Trois-Rivières adressent leur don à Radio-VM MCQ, 244 Bureau Chef, Victoriaville, QC, G6P, 6S9. Merci à Yvon Leblanc, au montage et au choix musical. C'est une émission enregistrée à Trois-Rivières. Vous écoutez Radio-VM. Le sanctuaire Notre-Dame du Cap, situé au 626 rue Notre-Dame-Est à Trois-Rivières, vous invite à venir célébrer la neuvaine de l'Assomption de la Vierge Marie, qui se déroulera du 7 au 15 août. Salut Marie. 7 jours de prédication, de célébration, d'expériences spirituelles, de spectacles et de fraternité à prier Marie. Pour plus d'informations sur nos différentes activités, communiquez au 819-374-2441 ou sur notre site web au sanctuaire-ndc.ca. En présence de Marie, on vous attend en grand nombre au sanctuaire Notre-Dame du Cap du 7 au 15 août. Ici Justin Bernard, animateur de l'émission La Semaine Lyrique sur les ondes de Radio-VM. Retrouvez les plus grands opéras du répertoire ainsi que des chanteurs et des chanteuses de grand talent. Rendez-vous dimanche de 13h à 15h et vendredi en rediffusion de 14h à 16h. Radio-VM. Depuis la nuit des temps, nous marchons, nous découvrons, nous créons, nous chantons, nous aimons et nous avançons ensemble sur les chemins de l'humanité. Invention, science, littérature, poésie, art, gastronomie, calligraphie, cinéma, théâtre, politique, depuis qu'il sait qu'il pense, l'homme a fait un bond. Un bond de géant pour aller à la conquête de son destin. Parcourez avec nous les chemins de l'humanité, chaque semaine sur Radio-VM. Aziz Fares au micro. Bonjour. Les chemins de l'humanité sur Radio-VM, Aziz Fares au micro. Je reçois aujourd'hui Denis Delage et Jean-Philippe Poirenne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Denis Delage, vous êtes professeur émérite à l'Université de Laval. Vous êtes considéré comme le plus grand spécialiste francophone de l'histoire des Amérindiens au Canada. Vous avez reçu le prix Gérard Parizeau pour l'ensemble de votre œuvre. Et Jean-Philippe Poirenne, vous êtes titulaire de la chaîne d'études sur le Québec à l'Université Concordia. Et vous êtes co-auteur, avec Denis Delage, du livre « Le piège de la liberté », avec un sous-titre « Les peuples autochtones dans l'engrenage des régimes coloniaux ». Le titre m'avait déjà accroché, « Le piège de la liberté ». C'est un piège, la liberté ? Le livre soulève un paradoxe, c'est qu'il y a une promesse qui a été faite au moment des premières colonisations du nord-est de l'Amérique du Nord, que si jamais les Autochtones se convertissaient non seulement à la religion chrétienne, mais à toutes les formes de ce qu'on appelait à l'époque la civilisation occidentale, pour les sortir de ce qu'on percevait comme leur sauvagerie, eh bien, si jamais ils répondaient à cette promesse, ils allaient, ces peuples, devenir libres. Ce qu'on s'aperçoit à lire l'histoire des 4 derniers siècles, c'est que ça a été, bien au contraire, un enfermement pour les peuples autochtones. Cette promesse de la liberté s'est retournée contre eux comme un piège. Un piège pour eux? Juste pour eux? Certainement un piège pour eux, avec finalement l'enfermement dans les réserves, la dépossession du territoire, avec l'arrachement des enfants aux familles, toujours au nom du progrès, de la civilisation et de la liberté. Alors, bien entendu, ce piège-là n'est pas propre aux peuples autochtones. Toutes les sociétés qui ont été colonisées par l'Occident à l'échelle de la planète ont subi un sort assez effroyable. Mais disons qu'ici, ça a pris des proportions considérables et on parle aujourd'hui d'un véritable génocide des nations qui partaient de la Terre de Feu là, pour aller jusqu'au Grand Nord du Canada. C'est propre à la colonisation. C'est propre aussi au régime politique et économique de l'Occident. Et Max Weber, un très grand sociologue allemand du début du 20e siècle, parlait d'une cage de fer. Donc, le régime qu'on a constitué est une véritable cage de fer, non seulement pour les sociétés autres à qui on impose une telle logique sociale, mais également pour les populations occidentales. Mais comme Denis vient de le rappeler, la brutalité, la violence avec laquelle s'est exercée cette pression a été beaucoup plus considérable, beaucoup plus terrible pour les populations de l'Amérique au moment des premières colonisations que pour les sociétés européennes elles-mêmes. On pourrait rajouter que le père Lejeune qui a pris le Montagnais ou les Nouémoun, et qui a vécu avec les Autochtones, qui les a suivis l'hiver, il avait quand même pour projet, idéalement pour lui, bien sûr, de retenir les enfants et de les dresser dans des pensionnats. C'est-à-dire une idée qui est reprise fin 19e, début 20e siècle, mais une idée qui a germé dès le 17e siècle avec un missionnaire qui avait à l'époque, on pourrait dire, la plus grande ouverture, une des meilleures connaissances de l'intérieur de ces sociétés, puisqu'il a vécu avec ces Autochtones dans les campements d'hiver. Et il en a appris la langue. Les chemins de l'humanité avec Denis Delage et Jean-Philippe Warren. Je reformule la question en disant, est-ce que le colonialisme n'a pas pour but d'effacer tout ce qu'il rencontre? Tout ce qu'il veut, c'est conquérir les terres. Mais il ne veut pas qu'il y ait d'individus sur ces terres. Là, il y a un sociologue québécois qui s'appelle Jean-Jacques Simard. Il a emprunté la notion de réduction pour l'appliquer aux différentes dimensions de l'existence des populations autochtones au moment de l'arrivée des premiers Européens, et il a dit que c'était une réduction non seulement évidemment territoriale, mais aussi une réduction politique, une réduction sociale, une réduction culturelle à tous les niveaux. Il y a eu un écrasement, il y a eu une marginalisation, une oppression, une exploitation des populations autochtones. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'est fait aussi sous un versant, je devrais dire, paternaliste. Il y avait cette vision des valeurs de la civilisation, qu'elle allait émanciper, qu'elle allait sortir ces peuples-là de l'ignorance, de la superstition, de leurs fausses croyances, qui allait les amener à devenir égaux aux sociétés européennes qui, eux, se situaient au fait de l'évolution humaine. Donc, il y a eu cette double logique. Une logique, évidemment, où il y avait beaucoup de cynisme, beaucoup d'hypocrisie, on signait des traités pour les renier le lendemain, mais où il y avait quand même cette conviction qui habitait plusieurs personnes qu'on allait ramener des sociétés arriérées vers le progrès représenté par l'histoire occidentale. Et ce que dit Denis du Père Lejeune, par exemple, le Père Lejeune, a des pages quand même assez intéressantes. Tout n'est pas noir dans ce qu'il a écrit dans ses relations. Il y a aussi une reconnaissance de ce que représentait en termes de complexité et de richesse la culture autochtone. Colonialisme a porté, entre guillemets, la civilisation, c'est ça? Oui, oui. Mais le Père Lejeune, comme les missionnaires, ont la plus grande admiration pour les sociétés autochtones, pour ce qui est d'égalité, pour ce qui est de l'entraide, pour ce qui est de l'esprit communautaire. Ces missionnaires font souvent le parallèle avec les communautés des premiers chrétiens. Mais l'objectif du processus colonial vise toujours l'expropriation territoriale, celle des ressources matérielles, bien sûr, mais en plus de la culture et du mode de vie des premiers peuples. Les chemins de l'humanité avec Denis Delage et Jean-Philippe Warren, ces sociétés, elles sont différentes. Le concept de chef, il n'est pas le même tel que compris en Europe. Et les Européens, est-ce qu'ils ont compris comment fonctionnaient ces sociétés? Je dirais que oui, ils l'ont compris. Et la diffusion des relations des Jésuites a eu une grande importance pour la remise en question des systèmes autoritaires européens. Les missionnaires parlent de la manière douce d'élever les enfants, parlent de l'art oratoire des Autochtones qui les surprend beaucoup et qui semble pour eux être analogue à celle des Grecs. On admire le soutien mutuel et ça aura une grande influence sur la transformation des sociétés autochtones. On pourrait dire aussi sur leur relative démocratisation, bien que ces sociétés autochtones soient source d'influence, elles sont toujours reléguées au plancher. Les chemins de l'humanité avec Denis Delage et Jean-Philippe Poirenne. Dans votre livre, vous évoquez un sujet, le devoir de réparation. De quoi s'agit-il? Dans notre livre, on essaie de définir deux logiques d'organisation sociale, selon qu'on est davantage dans la France, qui est encore très médiévale, même si elle se dirige résolument vers la Renaissance, et puis les populations du nord-est de l'Amérique du Nord. Et bien que, évidemment, cette Europe, elle est très diversifiée en principautés, monarchies, régimes absolutistes, etc. Et puis, de l'autre côté, des peuples aussi qui connaissent des différences énormes, hein, selon les cultures, selon les traditions, selon les contextes, non seulement socio-économiques, mais simplement les réalités environnementales. Mais si on peut quand même construire des archétypes, on s'aperçoit qu'il y a deux façons, grosso modo, d'être au monde. Et la première façon, en Europe, c'est selon une hiérarchie assez stricte, où tu es toujours en dette envers ton supérieur. Et comme tu es en dette envers ton supérieur, tu es toujours soumis. Tu es endetté envers lui. Et donc, tu es son dévoué. Et tu es le dévoué non seulement du Seigneur, mais tu es aussi le dévoué de Dieu, parce que Dieu a créé le monde selon son bon vouloir et son bon plaisir, selon la formule qu'on utilisait pour décrire la monarchie. Et chaque enfant de Dieu lui est entièrement redevable. Dieu ne doit absolument rien à l'humanité. Alors ça, c'est une des logiques. La deuxième logique est celle des peuples de l'Amérique du Nord, des peuples autochtones, où on est davantage dans le don et le contre-don. C'est-à-dire que oui, il y a encore une fois une dette, mais la dette circule constamment. Tu es toujours l'endetté, tu es toujours le prêteur de quelqu'un d'autre, non seulement à l'intérieur de l'ensemble de la communauté, où chacun donne et reçoit constamment, mais aussi avec la nature, ce qui est un peu surprenant pour les peuples européens, avec la nature, parce que la nature, elle est remplie d'esprit, et il y a constamment des échanges qui se font avec, je dirais, avec le cosmos, hein, avec l'ensemble des éléments de la nature. Les choses traversent, circulent, migrent assez librement, et donc il y a constamment une réciprocité des droits et des devoirs à l'intérieur des sociétés autochtones. Et c'est quelque chose qui frappe beaucoup les Européens au 16e et 17e siècle. Oui, alors, dans votre livre, vous parlez précisément de la société amérindienne qui était fondée sur le don et la générosité. Et on retrouve ces traits dans d'autres civilisations. Le don, la générosité, l'alliance. Dans le monde pré-islamique, c'était fondé sur ça, la société. Est-ce que c'est quelque chose qui a été oublié? C'est quelque chose qui est certainement oublié dans nos sociétés, mais c'est absolument caractéristique de l'ensemble des sociétés autochtones. Il faut peut-être faire exception avec les empires autochtones chez les Incas et chez les Mayas, au Mexique et au Pérou, mais c'est la caractéristique de l'ensemble des sociétés autochtones, sauf ces deux exceptions, où le don, la dette, la circulation des biens ou l'échange, le soutien caractérisent l'ensemble de la société. Et les Autochtones vont dire à un marchand, mais pourquoi alors que tu ne chasses pas, tu as autant de couteaux et autant d'armes à feu, tu n'en as pas besoin, il faut que tu les fasses circuler. Ils sont hors d'un système d'accumulation des biens et de capitalisation. Il y a plutôt l'obligation générale de distribuer, de redistribuer. Et quand des chefs ont accumulé beaucoup, c'est toujours à des fins de redistribution. C'est jamais à des fins de capitalisation. Et c'est vrai pour l'ordre économique, Denis vient de le dire, mais aussi dans l'ordre politique, parce que les quelques Autochtones qui ont été enlevés et transplantés en Europe pour y voir les beautés, les richesses, les magnificences de la civilisation européenne, ont été extrêmement choqués de voir les écarts qui séparaient les pauvres des très riches, de l'aristocratie qui vivait dans des châteaux, puis le reste de la masse qui vivait dans la gadoue. Et pour eux, c'était un système absolument monstrueux. Au lieu d'être épatés, au lieu d'être émerveillés par la civilisation occidentale, leur séjour en Europe les a convaincus que c'est un régime qu'ils devaient absolument refuser et qu'ils devaient essayer de se protéger des influences, non seulement néfastes, mais je pense à leurs yeux souvent funestes, des empires européens. Le prestige, ce n'était pas l'accumulation de richesses, c'était la redistribution des richesses. Et je lisais dans votre livre un chef qui parlait du prestige. Qu'est-ce que c'était pour lui? Il disait, c'était qu'on trace des routes pour moi pour aller de village en village. Oui, mais en fait, c'est un autochtone du Brésil qui parle, mais la logique est la même, hein, la philosophie reste semblable. Alors, il disait au roi, qui était à l'époque un enfant, comment ça se fait que c'est à toi qu'on obéit alors que tu es entouré de gardes très vaillants et très forts et très grands? Et c'est eux, dans le fond, qui devraient être les leaders de la communauté, pour autant que la communauté se reconnaît en eux, parce que c'est une question de plébiscite permanent dans les communautés autochtones. On dit qu'il y a autant de chefs qu'il y a d'Indiens, c'est l'expression qu'on utilisait autrefois, pour qualifier quelque chose quand même qui est une caractéristique profonde de l'organisation sociale et politique, c'est-à-dire que chaque personne porte sa propre voix, et si on se reconnaît en elle, eh bien, la communauté va agir en conséquence. Mais un chef qui n'est pas éloquent, c'est une contradiction dans les termes, parce qu'un chef qui ne serait pas éloquent, ça serait quelqu'un qui n'aurait aucun pouvoir de persuasion et donc ne pourrait pas exercer une influence au sein de la communauté. Les chemins de l'humanité avec Denis Delage et Jean-Philippe Warren. Vous dites dans votre livre que le commerce rend libre, la propriété rend libre, le travail rend libre. C'est ça le capitalisme ? ça caractérise les sociétés européennes, mais d'aucune manière les sociétés autochtones. Il s'agit toujours de circulation, de dons, de dettes, de partage. C'est une règle fondamentale. Et pour revenir à la question que vous posiez, le devoir de réparation, ben, évidemment, les sociétés autochtones ont été expropriées du territoire, expropriées des ressources, et expropriés de leur culture, de leur identité, expropriés de leurs enfants. Et à cet égard, il y a certainement un devoir de réparation. Est-ce que ce type de société, aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, est encore viable? Ben, c'est viable, mais ce n'est pas selon les mêmes modalités. Aujourd'hui, ce serait très difficile pour un citoyen du Canada, autochtone ou non, de vivre sans un compte bancaire, s'épanouir sans avoir une certaine éducation que cette personne-là va acquérir dans les écoles primaires, secondaires, peut-être le cégep et l'université. Et il y a des contraintes, évidemment, qui pèsent sur la reproduction sociale qui sont tout autres que ce qu'on voyait avant le choc de l'arrivée des premiers Européens. Mais il y a une tradition, il y a une philosophie qui perdure. L'exemple que je pourrais donner, c'est un peu comme le Québec. Le Québec, ça reste une société distincte, pas si distincte que ça finalement dans l'Amérique du Nord, mais quand même qu'on la reconnaît par certains traits qui lui sont propres puis qui lui viennent de son histoire. Les Autochtones, c'est la même chose. Si vous voyez simplement la place qu'occupent les coopératives dans plusieurs nations autochtones, ben vous voyez là l'expression dans les coopératives d'une volonté de partage et d'entraide que soulignait Denis tout à l'heure. Alors vous disiez ces propres sociétés autochtones, pas juste en Amérique du Nord, pas juste au Canada. C'est l'ensemble des Amériques. Et pour répondre à votre question précédente, on peut imaginer une société contemporaine avec un filet social. On peut imaginer toutes sortes de formes de social-démocratie, c'est-à-dire une relative communauté, une relative appartenance de l'ensemble des membres de la communauté à leur propre société. Ça existe encore dans certaines sociétés en Afrique, en Inde aussi. Pourquoi ça n'existe plus, ça ne peut plus exister en Europe ou en Amérique du Nord? Parce que l'accumulation du capital était trop grande et les écarts de classe sont trop grands. S'ajoute à ça, évidemment, la mise en péril de notre environnement sur la Terre, c'est-à-dire la crise écologique. Cette crise écologique, elle est liée à la capitalisation, elle est liée à la surexploitation des richesses, elle est liée à la surconsommation. Juste pour ne prendre que cet exemple, que notre société va reposer sur une volonté extractiviste, hein, d'exploitation des ressources naturelles comme pure ressource, sans parler des personnes qui sont devenues elles aussi des ressources humaines. Mais tant qu'on va avoir donc cette relation, un monde qui est là pour nous servir, qui est tout à fait passif, qui est complètement silencieux et qui ne sert que pour combler nos propres besoins, bien, c'est sûr qu'on va continuer à s'éloigner de l'enseignement dont on pourrait s'inspirer aujourd'hui, qui nous est légué par la philosophie et l'histoire des populations autochtones. Les chemins de l'humanité avec Denis Delage et Jean-Philippe Warren. Merci pour votre participation. Merci d'être venu nous parler des peuples autochtones dans votre livre « Le piège de la liberté » aux éditions Boréal, avec un sous-titre « Les peuples autochtones dans l'engrenage des régimes coloniaux ». Moi, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai annoté et je vais le relire encore parce que c'est passionnant. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup. Denis Delage était notre invité. Denis Delage, co-auteur du livre « Le piège de la liberté » avec Jean-Philippe Warren, titulaire de la chaire d'études sur le Québec à l'Université Concordia. Denis Delage, grand spécialiste francophone de l'histoire des Amérindiens au Canada. Merci. Merci beaucoup. C'était Les Chemins de l'Humanité sur Radio VM. Aziz Farès au micro. Thank you. Radio VM, au cœur de l'essentiel. Savez-vous que chaque semaine, l'émission Les Chemins protestants vous entretient de la vie et de la foi des églises protestantes francophones, ainsi que des questions sociales, pastorales et religieuses qui les préoccupent? En effet, c'est une émission produite en collaboration par des paroisses de l'Église unie, de l'Église presbytérienne et des Églises des Frères Mennonites. L'équipe des Chemins protestants vous attendons tous les dimanches matins dès 9h. Radio VM. Au cœur de l'essentiel. Bonjour et bienvenue à l'émission Couleur et Mélodie, toujours du jeudi matin consacré à la musique ancienne. Aujourd'hui, notre périple s'effectuera dans la péninsule ibérique et débutera par une pièce de Thomas Lewis de Victoria gravée sur un CD ayant pour titre Song of Songs. Et ce Song of Songs réfère directement au Cantique des Cantiques de la Bible, soit ce recueil de poèmes d'amour ayant inspiré plus d'un compositeur de la Renaissance. Sur ce même CD, d'ailleurs, on en compte pas moins d'une dizaine, comme de Lassus, Palestrina, Guerrero, pour ne nommer que les plus grands, les plus connus. Le poème du Cantique des Cantiques, dont il est question ici, parle de la quête désespérée d'une amoureuse auprès de ses amis afin de lui venir en aide pour retrouver celui pour lequel elle est malade d'amour, comme elle l'exprime.